Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la diva Maria Callas. J'ai besoin de chanter, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de... enfin, de vivre. La grande Maria Callas, de passage à Montréal en 1958, au moment où elle est encore au sommet de sa gloire. Bien que la carrière de Maria Callas n'ait pas été si longue, ses performances vocales, sa présence sur scène également, ont profondément marqué l'histoire moderne de l'opéra. On dit d'ailleurs souvent qu'il y a eu un avant et un après Maria Callas dans le monde de l'opéra. C'est une femme qui a chanté, divinement. Je l'ai entendue dans Lucia, une semaine, et 8 jours plus tard, je l'entendais dans La Norma. Et les deux étaient aussi parfaits l'un que l'autre. Maria Callas chantant Norma de Bellini avec l'orchestre de la Scala sous la direction de Tullio Serafine en 1960. Vous entendiez aussi dans cet extrait le ténor canadien Raoul Jobin faire l'éloge de Maria Callas. On comprend bien pourquoi en entendant déjà ces quelques notes. Pour nous parler de la grande Maria Callas, je reçois Françoise Davoine, grande amoureuse de musique, animatrice à UCI Musique jusqu'à tout récemment encore. Françoise Davoine, bonjour. Bonjour et merci d'être là. De m'inviter pour parler de cette immense Maria Callas. On a déjà des frissons en écoutant cet extrait de Norma. Tout de suite, on comprend la grandeur du personnage. Parlons de Norma, justement. Ce qu'on vient d'entendre, cet opéra de Bellini, ça aurait été vraiment, Françoise, l'un de ses plus grands rôles. Elle disait que c'était son héroïne préférée. Elle l'a chantée près de 90 fois. Elle disait même que Bellini l'avait probablement écrit pour elle, alors qu'il était du siècle précédent, on s'entend. Ouais. Mais Norma, c'est une grande prêtresse druidique et c'est une amoureuse blessée, c'est une femme passionnée, une femme orgueilleuse, vindicative et tout ça. Et la Callas, c'est ça. Mm-hmm. Et l'histoire de la Callas, c'est l'histoire de ses héroïnes d'opéra. Ouais. Ouais. Pourquoi elle est si grande, évidemment la voix, on vient de l'entendre, mais pourquoi elle est si importante, Maria Callas, dans l'histoire de l'opéra? Parce qu'elle a transformé le jeu scénique, en fait, aussi. Il n'y avait pas que la voix, il y avait le jeu qui était très détaillé, parce que l'émotion qu'on a entendue naissait de la voix, du regard et de chaque geste, que sa présence était absolument magnétique. Tous ceux qui l'ont vue sur scène l'ont dit, et vous pouvez la voir facilement maintenant sur YouTube. Mm-hmm. Il y a des productions extraordinaires de Tosca, par exemple, qu'on peut voir. Et parce qu'elle a décidé qu'elle allait vraiment balayer un peu la façon vieillotte de faire de l'opéra. On allait sortir de ces mises en scène où les chanteurs font juste lever les bras et chantent et tout, et tiennent une note aiguë très très très longtemps. Mais c'est une actrice. Alors ouais. Elle a amené à l'opéra tout un nouveau public qu'elle a véritablement ensorcelé par sa voix, mais surtout aussi par la charge émotionnelle qu'elle mettait dans chaque note. Il y a vraiment, je le disais en introduction, mais il y a vraiment une charnière, un avant et un après, Maria Callas, Françoise Davoine. Alors, oui, je pense que oui, bien sûr à cause du disque aussi. C'est parce qu'elle elle a eu la chance, entre guillemets, de vivre à l'époque où le 33 Tours a répandu toutes ses voix. Parce qu'il y a eu des très grandes chanteuses avant, au 19e siècle, je pense à des Jenny Lynn, mais c'est autre chose avec elle. Elle est aussi la première diva à avoir monopolisé autant de journalistes, et pas seulement comme chanteuse, hein, mais comme femme oui. aussi. Alors, on va reparler de ça, certainement. Ben oui, revenons sur son parcours, mais en commençant par le commencement. C'est peut-être la façon la plus efficace de faire le tour de cette grande carrière. D'abord, cette grande cantatrice grecque, elle est née aux États-Unis. Oui, un peu par hasard. Disons, c'est parce que son père était pharmacien et il a décidé d'amener sa famille. Il a immigré aux États-Unis au début des années 20. Donc, Maria Callas est née à New York, en effet, dans une famille où elle n'était pas désirée, puisque, en fait, ses parents avaient vécu un grand drame. Ils avaient perdu un petit garçon et ils espéraient beaucoup avoir un autre garçon. Et c'est Maria Callas qui est née. Alors, sa mère étant dépressive, elle a été rejetée dès le départ. Elle le disait elle-même. Elle disait « j'étais un vilain petit canard ouais. ». Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle avait une sœur qui était plus jolie qu'elle, qui est devenue une très bonne pianiste. Et puis elle était un petit peu boulotte, un visage un peu ingrat. Elle voyait mal, alors voilà, c'était et mal parti. Et elle s'accroche très vite, donc, oui. à la musique. Elle s'accroche parce que dans les années 30, on commence à diffuser le Met, les opéras du Met à la radio. Et elle les écoute, et elle chante avec les chanteuses. Et elle chante avec les fenêtres ouvertes à New York. Et il y a des gens qui s'arrêtent dans la rue et qui applaudissent. Et elle a un incroyable. Professeur, quand elle était toute jeune, qui lui dit qu'elle a un rossignol dans la gorge. Alors, partant de ça, elle a compris très vite que le chant que chantait, c'était sa façon d'être aimée. Aimée par sa mère, d'abord. Hein. Sa façon de se faire une place dans sa famille. Et puis plus tard, sa façon d'être aimée par le monde entier. C'est son amour de la musique donc, commence donc déjà dans sa période américaine. Mais c'est vraiment en Grèce parce qu'elle retourne vivre avec sa mère en Grèce en 1937. C'est là vraiment que ça commence, qu'elle fait d'abord ses premières classes en musique de manière sérieuse. Oui, il faut dire que son père était très volage. Alors, la mère, à un moment donné, a dit « ça suffit, je repars avec mes filles ». Elle est repartie en Grèce. Et là, elle a poussé pour que sa fille entre au conservatoire et ait les meilleurs professeurs possibles. Et c'était une enfant qui ne faisait que travailler. Mm-hmm. Que travailler, travailler, travailler. Alors, elle avait tout ce qu'il fallait donc pour faire sa place dans ce monde. Grosse bosseuse, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent aussi. Et cette voix qu'on a déjà un peu entendue. On écoute son professeur de chant, justement, à Athènes. Elvira Hidalgo, décrire le genre d'élève qu'était Maria Callas, mais surtout nous parler de cet immense talent qu'elle avait, entrevue qu'elle accorde à l'ORTF en 1969. Comme élève, comment était... Parfaite. C'est-à-dire? Docile, intelligente, travailleuse. Travailleuse, hein, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase... Deux fois. Elle était très musicale et musicienne parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano, très bien. C'est une espèce de phénomène parce qu'elle avait des notes graves très fortes, très bien, elle avait son médium, la même chose, et puis elle partait dans les notes élevées jusqu'en mi naturel. Elle réunissait tout, n'est-ce pas? La voix, le chant, l'interprétation, et puis sur la scène, elle était magnifique, elle était belle. Puis elle avait des mains magnifiques, alors déjà. Mais oui, déjà. Quoi qu'elle se mangeait les ongles. Il ne faut pas le dire. Et la chose extraordinaire, c'est que moi-même, je n'avais pas de trac quand elle devait chanter. J'avais une sensation de tranquillité, au lieu qu'il ne me donnait pas les autres élèves. Vous étiez sûre? J'étais sûre d'elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle était si grande, Françoise d'Avoine, qu'on était sûr d'elle, sa voix, son talent, comment décrire tout ça? On n'a pas parlé de sa voix, qui est unique, hein, on la reconnaît tout de suite. Hein, dès qu'on entend quelques notes, on sait que c'est la Callas qui chante. C'était une voix très riche, très puissante, pleine de potentiel dramatique, et elle va la façonner. Alors, sans relâche, elle travaillait jour et nuit. Elle disait qu'elle travaillait sa voix comme un athlète travaille son corps. Alors, cette voix, en fait, c'était près de 3 octaves. Elle allait jusqu'au contre-mi, parfois même contre-fa. Bon, ça se discute encore, je pense. Et elle avait des graves qui étaient très ample. Et il y avait une souplesse étonnante. Elle allait de... Ça, c'est une chose qu'on remarquait. Elle passait de très, très fort à très, très ouais. doux, mais en une fraction de seconde. Alors, on était saisis sur scène tellement ça ajoutait à l'intensité dramatique. Elle avait des glissandis d'une fluidité extraordinaire. Les tris, les vocalises, le timbre, donc, qui était unique parce qu'il y avait certaines aspérités. C'était pas une voix lisse comme certaines autres sopranos de son époque, comme la Renata Tebaldi, qui aura été sa grande rivale. Hein. Alors, c'était pas une voix aussi lisse. Il y avait ces petites aspérités qui faisaient vraiment son unicité. Ouais. Et puis cet art du phrasé, et puis l'art de changer la couleur de sa voix aussi, ouais. en fonction du personnage, en fonction de la scène. C'est extraordinaire à regarder ouais. et à écouter. Elle fait ses classes donc avec cette professeure qu'on a entendue à Athènes. Elle fait ses débuts aussi sur scène. C'est en Grèce que ça se passe également. Alors elle fait ses débuts, oui, en Grèce, dans une opérette en fait. Et puis après ça, elle chante très vite. Elle avait 17 ans, elle chante Tosca. Ça, c'est son tout premier opéra. Et les critiques sont dites dithyrambiques. On dit que c'est un talent béni des dieux. Alors déjà en Grèce, elle devient célèbre et c'est pendant la guerre, hein, déjà. Et alors justement, pendant la guerre, avec sa mère qui l'invitera à chanter devant des soldats allemands, il y aura un peu de choses un peu nébuleuses. Qui va lui coûter quelques années de célébrité en Grèce. Du coup, elle va quitter la Grèce et elle va repartir. On va lui reprocher, c'est ça. Bon, puis elle était très naïve, elle avait 17 ans, on ne sait pas. Alors, elle va repartir aux États-Unis pour retrouver son père. Il faut dire aussi que sa mère était tout un personnage et que c'était pesant d'être à côté de cette mère. Hein. Et ça se passe comment, ce retour aux États-Unis ? Ben, pas si bien qu'elle pensait, en fait. Elle fait beaucoup d'auditions et puis même au Met, on lui propose un rôle, mais elle refuse. Un rôle dans Madama Butterfly. Puis, vous savez, on dit ça se fait pas de refuser un rôle au maître. Et elle refuse. Alors elle va faire ses débuts à Chicago en fait, dans Turandot, un autre opéra de Puccini. Mais la production va mal se passer et puis finalement tout ça va tomber plus ou moins à l'eau. Alors elle est un petit peu déçue de son retour aux États-Unis et elle va faire une rencontre qui va être déterminante. Elle rencontre à New York en 1947 un impresario qui veut la ramener en Italie. Il lui dit l'emmener en Italie. Il lui dit c'est là que ça se passe à l'opéra. Il faut que ce soit en Italie. Il faut que ce soit l'Italie qui la consacre. Et il y a un chef d'orchestre, un grand chef d'orchestre, c'est celui qu'on a entendu, l'a dirigé Norma, Tullio Serafin, il faut que je lui fasse entendre cette voix. Alors, elle emprunte de l'argent, elle va faire une audition pour Tullio Serafin et c'est là que sa carrière commence, à Vérone, le 6 août 1947. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à Vérone, le 6 août 1947 ? Le chef d'abord a été ébloui par cette puissance vocale, par sa détermination aussi, et le public a été ébloui. Voilà. Et là, elle va même rencontrer quelqu'un qui va être très important dans sa vie à Vérone. Qui va gérer sa carrière, qu'elle va épouser. Oui, son premier mari, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, un homme d'affaires, qui en fait n'aimait pas tellement la musique, mais il a senti qu'il y avait un potentiel financier, je pense, derrière Maria Callas. Batista Meneghini. Et en fait, elle ne connaît rien, elle ne sait pas négocier, elle est toute jeune. Elle sait juste chanter, travailler, chanter, apprendre des rôles, c'est tout. Alors cet homme-là va la protéger, va la prendre en charge et va lui ouvrir les portes d'à peu près toutes les maisons d'opéra en Italie. Et puis en 1949, si le déclic a lieu à Vérone en 47, en 49 naît la légende Callas, Françoise d'Avoine, que se passe-t-il ? Alors ça, c'est à Venise. Elle chante, imaginez-vous, du Wagner. Ça, c'est un compositeur qu'elle a laissé tomber très tôt dans sa carrière, mais elle chante Brunhilde, grande héroïne wagnérienne. Et puis, il y a une chanteuse qui tombe malade et on cherche quelqu'un pour chanter Elvira dans un opéra italien, I Puritani de Donizetti. Et puis, c'est impossible de chanter les deux rôles en même temps. Et là, on lui propose de le faire. Elle apprend le rôle en 6 jours. En 6 jours, elle apprend un rôle en entier. Et elle chante donc en alternance les deux rôles. Alors là, c'est absolument... C'est parti. La légende est partie. Mais, il lui manque la Scala de Milan. Oui. Parce que c'est là le temple. Mais qui viendra, évidemment, parce que c'est les années 50 qui vont suivre seront de grandes années, une espèce d'âge d'or. La Scala viendra dans les années 50 et plein d'autres choses. Oui, plein d'autres choses. Et puis, beaucoup de scandales aussi. Hein. Les années 50, c'est les grandes années de la Callas, avec tous les concerts qu'elle a donnés un petit peu partout, les grands rôles. Elle a ouvert donc la saison 51-52 de la Scala. Elle a chanté Norma à Covent Garden. Et là, en 52, elle va signer un contrat de disque avec EMI. Alors ça la rend mais diva assoluta et partout dans le monde. Et puis, un jour, en 1953, elle chante Médée à Florence. Et là, le public est ébahi. Elle a perdu 30 kilos quand elle entre sur scène. et la voix, on dit, est toujours là. Et alors là, à partir de là, la couverture médiatique, ouais. c'est du jamais vu. Parce que non seulement on s'intéresse à la chanteuse, mais on s'intéresse à cette femme qui a une volonté, mais de faire, une détermination, un courage, ouais. et qui a réussi à perdre 30 kilos comme ça pour être plus belle sur scène, pour mieux faire vivre ses héroïnes, pour donner une autre image de l'opéra, qui s'entoure des meilleurs chefs d'orchestre, qui va chercher des metteurs en scène, et puis qui vit de scandale en scandale. Alors ça, la presse, vous comprenez, se régale. Hein. Ouais. Et puis en 55, il y a ce grand coup de tonnerre dans le ciel du monde de l'opéra. Cette Traviata de Verdi, chantée par Maria Callas, mise en scène par Luchino Visconti, fera époque, Françoise Lavande. Mmh. On va parler de cette Traviata comme de la Traviata du siècle, ouais, rien de moins. Ouais. Ben parce que Luchino Visconti est un metteur en scène très connu qui va à l'opéra pour Maria Callas. C'est un admirateur, mais absolument insatiable de tout ce que fait Maria Callas. Et en plus, avec un chef extraordinaire qui est Carlo Maria Giulini. Ouais. Alors ça, à la Scala, c'est vraiment la production du siècle. Ouais, ils vont travailler ensemble à quelques reprises, Visconti et Callas. Callas est amoureuse de lui, carrément. Oui, il faut le dire, Callas est amoureuse de lui. Lui est homosexuel, tout le monde le sait. Alors, il essaye de la repousser, mais elle ne comprend pas trop. Encore une fois, elle est au début de la trentaine, elle est complètement naïve. Elle ne connaît rien de la vie, cette femme-là. Rien, à part chanter, travailler, travailler. Alors, c'est une relation qui va être douloureuse pour elle aussi, mais qui va donner des résultats extraordinaires, ouais. sur scène. Ouais. Ça ne durera pas. Après cet âge d'or des années 50, va commencer... une période de déclin qui va être très, très difficile, qui sera assez longue aussi et qui coïncide surtout, c'est assez paradoxal, elle tombe follement amoureuse de ce milliardaire, ce riche armateur grec, Aristote Onassis. Donc, elle est très, très heureuse de cette rencontre, de cet amour. Mais c'est le début de la fin pour elle. Ben, c'est-à-dire, en 58, à la fin des années 50, elle est la seule, la plus grande et tout ça. C'est incontestable. Elle est une icône de la mode, en plus d'être une icône de l'art vocal. Elle mène tout le monde autour d'elle. Hein, c'est elle qui décide de tout. Donc, c'est incroyable tout ce qu'elle arrive à faire partout. Mais elle est difficile. Ça, les gens le disent. Et même si Visconti ou les grands chefs qui ont été avec elle disaient non, elle n'est pas difficile, elle est perfectionniste, elle veut que tout soit parfait. Il ne faut pas qu'elle s'abaisse au niveau des autres, il faut que les autres s'élèvent à son niveau. Mais il reste qu'elle est très difficile. Alors, elle est renvoyée du Met. Elle va être renvoyée de San Francisco aussi, de l'opéra, parce qu'elle annule trop souvent. Il y a toutes ces histoires autour. Donc, en fait, et c'est là qu'elle rencontre. Alors, dans ce moment qui est un petit peu vacillant, on va dire, c'est là qu'elle rencontre Aristote Onassis. Et là, écoutez, elle devient femme. C'est pas compliqué, je peux pas dire autre chose. Elle devient chanter, femme. Ou à peu près. Ben, c'est-à-dire que le chant perd de son importance. Elle se met à faire la fête, elle sort beaucoup, et pas n'importe où. Hein. Et c'est tout au champagne, et ça, c'est pas très bon pour la voix. Elle dort plus, donc c'est sûr que ça va jouer beaucoup sur sur sa carrière. Et elle se rend compte aussi qu'elle a moins le goût de chanter. Elle disait travailler, solfier, vocaliser pendant des semaines, des mois, sans un seul regard sur le reste du monde, c'est de l'esclavage. Mmh. Alors, elle va chanter pratiquement plus que deux rôles, Tosca et Norma, puis elle va se mettre à préférer le récital en studio à l'opéra, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est un cercle vicieux, bien sûr, une chanteuse qui chante moins, ça ne peut pas donner de très bons résultats. On écoute l'impresario et ami de Maria Callas, Michel Glotz, qui nous livre son interprétation. Je suis curieux de ce que vous allez dire après cet extrait, Françoise Davoine, qui nous livre donc l'interprétation de ce retrait, de ce déclin de Maria Callas du monde de la musique, extrait de l'émission Hebdo Musique du 13 septembre 1987. Elle a eu non pas un déclin vocal comme on en a tellement et trop parlé, mais elle a eu tout simplement un déclin nerveux, ce qui est très très différent. Ce n'est pas sa voix qui a cédé, ce sont ses nerfs. Car chaque fois qu'elle avait une petite alerte, n'oubliez pas que depuis toujours elle avait une voix qu'elle appelait, entre guillemets, rebelle. Elle faisait venir son professeur de chant, celui même qu'elle avait eu lorsqu'elle avait fait ses études à Athènes, Elle travaillait avec elle 2 jours et là, elle était de nouveau dans une forme vocale extraordinaire. Par conséquent, c'était uniquement une question de replaçage à la fois de la gorge, si vous voulez, vocale, mais aussi intellectuelle et psychologique. Et ce sont les nerfs qui ont cédé. Elle ne s'est pas retirée parce que la voix était abîmée, elle s'est retirée parce que les nerfs ne lui permettaient plus d'affronter le public avec un grand P. Elle savait qu'on attendait d'elle toujours des miracles. Elle avait toujours le sentiment que c'était un challenge et que ce challenge, elle ne pourrait pas toujours le remplir. Et par conséquent, plutôt que de remplir un contrat à moitié, elle préférait se retirer. Qu'est-ce qui lâche Françoise d'Avoine, la voix ou les nerfs, ou les deux peut-être? Peut-être un peu des deux, parce que la voix, elle l'avait encore, et la présence était extraordinaire. Dans les années 60, elle a quand même chanté, elle est retournée à la Scala, elle a fait Tosca de Zeffirelli à Covent Garden, il faut voir ça sur YouTube, c'est extraordinaire, en 64. Elle a enregistré Carmen avec Georges Prêtre, c'est le disque de musique classique qui s'est le plus vendu pendant des années. Vraiment, je pense que la voix a peut-être lâché parce que le cœur n'y était plus. Et elle l'a dit elle-même, elle a dit d'abord j'ai perdu du poids, ensuite j'ai perdu la voix, enfin j'ai perdu Onassis. Et ça veut dire beaucoup. Elle adorait cet homme dont elle a appris le mariage avec Jackie Kennedy dans les journaux. Hein. Ouais. Alors ça a été, elle s'en est jamais remis, elle a fait une énorme dépression, elle s'en est jamais remis. De fait, elle va mourir à Paris en 77 à 53 ans. On ne meurt pas à 53 ans. Qu'est-ce qui l'arrache donc à la vie? Je pense que c'est ça. C'est tout ce qu'on vient de dire. Non sans avoir essayé d'ailleurs de refaire un tour du monde avec un de ses vieux amis. Et il faut quand même que je dise qu'elle a chanté à Montréal pour la dernière fois en Amérique du Nord. Et ça, c'était en 1974. Certainement des auditeurs qui l'ont entendu. Onassis qui meurt, Visconti qui meurt l'année suivante aussi. Elle vit recluse. Elle écoute ses enregistrements sans cesse. On lui envoie des enregistrements pirates du monde entier. Ouais. Et elle va le dire, la Calas m'a tuée. Il reste quoi d'elle aujourd'hui? Il reste beaucoup. D'abord, il reste des enregistrements extraordinaires et de nombreux, et on en retrouve et ils sont retravaillés. Et à l'occasion là, du 40e anniversaire de son décès, on va avoir l'occasion d'en découvrir probablement encore de nouveaux. Il reste qu'elle a changé la vision du public de ce que doit être un chanteur d'opéra. Elle a changé la perception aussi de ses collègues, des chefs, des metteurs en scène. Elle a été révolutionnaire en un sens, malgré une carrière très courte. Et je pense qu'on peut dire que si Pavarotti a été le plus célèbre, à cause surtout de sa médiatisation avec des vedette pop, Calas est probablement la plus légendaire pour le monde de l'opéra. Françoise d'Avoine, c'est toujours un grand bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Françoise. Merci, ça m'a fait plaisir. Françoise, animatrice nouvellement à la retraite. Elle a été, vous le savez, pendant des années à Ici Musique, mais vous avez bien compris qu'elle est toujours aussi passionnée de musique et on la retrouvera à l'occasion avec plaisir à l'émission. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.